Salut Charline. Mais non. Mais pourquoi est-ce que t'as une passoire sur la tête? Je me suis converti. Non, mais moi je comprends rien là. Faut que je me déguise en percolateur. C'est quoi l'histoire? Mais Guillaume, t'es pas là vendredi. Bah non, vous avez fait des pâtes, c'est quoi? Mais non. Alex a passé un son d'un adepte belge d'une nouvelle religion là. Le pastafarisme. Le pastafarisme, c'est quoi ça? Voilà. Et le dieu, c'est le monstre de spaghetti. Le monstre en spaghetti. Je pige rien du tout. Moi aussi, je trouve ça bizarre. C'est pas tellement plus bizarre que le type qui marche sur l'eau. Excusez-moi. Alors attends. Vos prêtres, c'est quoi les dons patillots? C'est quoi le truc? Rien. C'est une religion pour les athées. Voilà. Ah, ça c'est très intéressant. Bah oui, religion inventée par un étudiant américain. Il était scandalisé qu'on enseigne des théories créationnistes dans les écoles. Ah bah oui, ça c'est scandaleux. Et voilà, il a fait une lettre en disant que lui il pensait que le monde avait été créé par un dieu spaghetti volant un soir où il était bourré. Ah, c'est peut-être vrai. Et c'est bien sûr que c'est vrai. Et d'ailleurs, voilà, moi j'y crois. Et en France, il y a liberté de culte. Vous devez me laisser croire. Voilà. Ce serait pas un truc pour des jours de congé, ça par hasard? Ah, il y a des fêtes, évidemment. Ah bon, il y a des fêtes. Ah ouais, le ramadan. Non, le ramadan. C'est au lieu de prier et de jeûner, on passe plusieurs jours à manger des soupes ramen avec des pâtes. D'accord, il y a un paradis. Bien sûr, il est composé de volcans de bière et il y a des usines à stripteaseurs. Et l'enfer alors, c'est quoi? C'est les volcans de bière, mais la bière est plate et les stripteaseuses, elles ont des MST. Ah bah oui, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Moi aussi, j'ai inventé une religion, c'est l'anultoutisme et ça consiste à chercher des sujets pour l'émission de 17h si ça ne vous dérange pas. Non, on n'y croit pas. Considérez que c'est une croisade, je vous baptise de force et hop au boulot. Oh là là là là, Alex, moi aussi j'aimerais bien être pastafariste. Au Monoprix, ils ont des passoires à 4 euros. Ah bien, mais on est obligé de prendre une rose comme la tienne? Non. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui surfe sur l'écume des jours. Et voici les trois informations qui vont glisser à toute vitesse jusqu'à 18h. Un hébergement d'urgence doit être installé cet été en lisière du Bois de Boulogne. Beaucoup d'habitants du 16e arrondissement sont contre. Une réunion publique a lieu ce soir entre les pour et les contre. Et les contre, on les connaît. En venant, on était encore emmerdés par des SDF. Mais c'est toujours les mêmes. Alors, je ne sais pas s'ils sont sans domicile fixe, mais en tout cas, ils sont toujours au même feu rouge. Contrôler son image, c'est aussi devenu le souci du Kidam, qui a plutôt intérêt à contrôler sa réputation sur Internet, puisque le recruteur a acquis certains réflexes. Et voici le résultat d'une réputation bien gérée. Les gens de sa partie l'appellent le Dab et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée. Le PSG est déjà champion de France en à peine 30 jours de championnat. L'argent tue-t-il le suspense? En tout cas, il ne tue pas l'arrogance. Hé, machine, vous voyez cette jambe? Elle assurait à 10 millions. Je me doute bien que c'est pas le cerveau qui est assuré. Et c'est une réplique du film dont va nous parler notre invité tout à l'heure. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui coûte cher en assurance, vu la récurrence des chutes dans ses sketchs, c'est Alex Vézerin. Bonjour Charline, écoutez, ce pastafarisme me va bien. Sachez que tout ce qui a été dit dans le sketch d'ouverture est vrai. On n'a rien inventé. Alors je vous ai amené une équipe de feu aujourd'hui. À 17h20, quand il apparaît sur vos écrans de cinéma, il brûle la pellicule. Quand il vient ici nous faire des chroniques, ce sont souvent des brûlots. Bref, c'est le Prométhée des temps modernes. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle? De la loi sexe Comrie. Attention, on va érotiser la loi travail. À 17h30, lui, le feu, il le met aux poudres. Et il peut faire s'embraser une situation à Paris ou en province. Aujourd'hui tremble Montauban. Oui. Le néron du micro va t'enflammer. Bonjour Alex, bonjour Charlie, bonjour à tous. Mais oui, je suis allé à la rencontre des habitants de Montauban pour parler avec eux de la maire de leur ville, Brigitte Barège, hein, qui enchaîne les procès et les mises en examen. Alors qu'est-ce qui se passe à Montauban? Eh ben, c'est la méchanceté, de la jalousie et puis de la politique. Voilà, Dallas, Montauban, même combat. Et enfin, à 17h40, pour elle, le feu n'a qu'une seule utilité, flamber sa crêpe au Grand Marnier. Bonjour, Juliette Arnaud. Bonjour. Moi, je vais vous parler d'un livre formidable qui s'appelle Tokyo Vice et ça parle de Tokyo et de vice. Le titre est bon. Et le référent de la République qui se demande où il est tombé mais qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous lancez Kaira Shopping, la première web-série de Canal en 2009, quand Tournée Manège et Le Juste Prix reviennent sur TF1. Les Kaira devient un film en 2012, quand The Artist est couronné aux Oscars. Et vous jouez dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014, l'année où le leader mondial le plus influent sur Twitter, c'est le pape. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Mehdi Sadoun, bonjour à tous. Oui, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Mehdi Sadoun, aussi présent sur Twitter, j'ai cru comprendre. Ouais. Où on peut voir des photos de la tournée que vous menez pour présenter dans les régions de France le film qui sort en salle le 23 mars, qui s'appelle La Dream Team de Thomas Soriot, avec vous, Mehdi Sadoun, mais aussi avec Gérard Depardieu ou avec Chantal Lobby. Ou un certain Thomas VDB, ouais. Avec Blanche Gardin et puis tous les enfants qui jouent au foot. Alors je vais raconter le résumé du film sous votre haute autorité, Mehdi Sadoun. Comme vous voulez. Donc vous êtes Maxime Belloc, joueur au PSG, meilleur buteur du championnat, attention. Le foot professionnel a fait de vous un sale con. Vous finissez par briser votre image et votre jambe d'ailleurs, et votre agent a l'idée de vous renvoyer dans le Berry chez votre père pour jouer la repentance, le retour aux sources, ce que lorsqu'on n'est pas dans la semaine dans la langue française, on peut se permettre d'appeler le storytelling, voyez. Et vous allez entraîner les cadets de votre village qui n'ont jamais réussi à gagner le championnat du Berry. C'est voilà, ça. Voilà l'histoire. C'est ça, c'est ça. Alors, La Dream Team, c'est un film, quand on commence à le regarder, Mehdi Sadoun, on sait plus ou moins comment ça va se terminer, on s'en doute, et pourtant, peu importe. Et qu'est-ce qui fait que ce peu importe? Et là, ça fait beaucoup rire, Paul Gérard. C'est une belle question. Oui, franchement, c'est une belle question. Je vous laisse, Mehdi Sadoun, de l'occuper de cette question. On sait comment ça va se terminer et on était un surpris. Parce que vous m'auriez douté. Et Titanic aussi, on sait comment ça va finir et on suit quand même. Attendez, si vous voulez, je peux faire une question de. Je peux faire une question de journaliste. Lambda, je peux faire. Oui, vous n'avez pas trop eu de mal à rentrer dans votre personnage. Est-ce qu'il est proche de vous? On a tous un côté obscur et un côté. J'ai choisi de poser une autre question. Non, non, mais la question est très bonne. Non, non, mais c'est comme Rocky 2. On sait comment on va finir. On sait qu'il va gagner dans Rocky 2, puisque de l'un, il a pas gagné. Mais c'est le chemin qui compte. Voilà. On part d'un sale con qui retrouve ses valeurs fondamentales. Et dans le monde rural. Mais voilà. Que c'était bien mené, c'est ça que dans ça voulait dire. Dans ce sens-là, ça me plaisait de rentrer dans le rôle plutôt que l'inverse, quoi. Voilà. On part sur des bons sentiments et puis c'est un film bon enfant et tout public. Et donc jouer sur le contraste entre cette star du PSG. Ouais. Qui retrouve un village du Berry et qui doit entraîner des cadets. Donc tout le film joue aussi sur ce contraste qui fait que c'est une comédie. Exactement, exactement. Non, donc c'est un joueur fin de carrière qui, effectivement, voilà, à cause de ses frasques et puis d'une blessure complètement idiote, se fait haïr de la France. Et du coup, bon, bah, son agent Chantal Lobby, comme vous l'avez bien dit, trouve un plan com pour redorer son image et va devoir renouer en contact avec son père, avec lequel il en embrouille depuis 15 ans. Et puis, qui est Gérard Depardieu. Exactement, Gérard Depardieu. Et on va devoir le forcer à entraîner une équipe de gamins alors qu'il déteste les gamins. Donc, le truc, c'est ça, c'est que ça raconte, en fait, le retour aux valeurs fondamentales du sport et puis, comment il va devenir bien. Quoi. Comment on appréhende une comédie quand on a joué dans la comédie de sa génération? Parce que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça a été le succès, le carton. Ça, c'est une bonne question. Ah, ouais. Et comment est-ce qu'on vous laissez faire plus souvent. Mais comment est-ce qu'on rechoisit un scénario de comédie en se disant, bon, bah, non, on fera de toute façon pas les 10 millions a priori. Enfin, je vous le souhaite, en fait. Bah, ça nous dépasse un peu. Nous, quand on m'a proposé de faire le film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai lu le scénario, quoi, c'est tout. J'ai vu que le personnage me plaisait, je trouvais que c'était drôle et c'était fluide à la lecture. Je l'ai lu en une heure. Et puis j'ai dit oui, mais après les chiffres, tout ça nous dépasse. Qu'on fasse 12 millions, c'est bien, qu'on fasse 800 000, c'est bien, mais ça nous dépasse. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on nous dit, vous avez fait tant, mais moi, sur une place de village, je sais pas ce que ça fait, 12 millions en vérité. Mais effectivement, je suis content. Voilà. Et puis, vous jouez avec Gérard Depardieu et Chantal ouais. Lobby. Alors, jouer avec Gérard Depardieu, notamment, j'imagine, c'est votre premier rôle principal dans un film, et vous jouez beaucoup avec Depardieu. Est-ce que ça vous a, j'imagine... je sais pas, galvaniser encore plus. Vous jouez à un joueur du PSG et là vous jouez vraiment dans la Ligue 1. Ouais, bah au départ ça devait pas être Gérard Depardieu. C'était un moment où j'ai signé le projet. C'était pas Gérard, c'était Eric Cantona. Qui a dû partir sur un projet finalement. Et puis Gérard Depardieu est arrivé. J'ai dit, bah, sur le papier, t'as envie de partir en courant. Le mec a fait 300 films. T'es fan de toutes ses répliques dans La Chèvre, Les Compères et tout. Et là tu te retrouves avec lui. Donc moi je savais qu'il arrivait au 17e jour du tournage pendant que le film a commencé. Et c'était la plus grosse flip, plus que le Parc des Princes d'ailleurs. Et au moment où il est arrivé, ben voilà, on a fait connaissance sur la première scène du film. Donc c'était sa première scène à lui, c'était dans une voiture avec moi, dans un tout petit habitacle, donc qui était serré à moi. Et du coup, ben, je lui ai fait les répliques de Pierre Richard dans le film La Chèvre au moment où ils se rendent à l'aéroport. Donc je lui dis ravi de travailler avec vous. Et ça a détendu l'atmosphère. Bah oui, je l'ai saoulé pendant tout le film avec la réplique de Pierre Richard. Ça a créé des liens. Mais c'est un mec super généreux. Et puis la générosité d'un acteur, on la trouve pas uniquement dans les sourires ou les dons matériels. Quoi. C'est que lorsqu'il vous donne la réplique et qu'il est derrière la caméra, bah, il joue comme s'il était face à l'image. Et pour moi, c'est la meilleure preuve de il de générosité. Il est très doux dans ce film, Depardieu. Ouais. Ouais, ouais. Et ça lui va bien. Oui, ça lui comme va dans Saint-Amour d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Cette partie douce de lui va bien. Hein. Oh. Ouais, il a accepté le film. Il a dit oui au bout de 48 heures. Ah oui. Ouais, ouais. Je crois que c'est les acteurs russes, ils sont toujours comme ça. Et ce film, c'est la Dream Team de Thomas Auriot avec Mehdi Sadoun qui est notre invité, avec Gérard Depardieu, avec Chantal Lobby. Il faut aussi souligner tous les enfants qui jouent au foot, qui sont formidables. Et vous êtes un petit peu en tournée pour présenter le film. Vous serez mercredi à Thiers, au Pâté Belle Épine, ou lundi 21 mars à Montigny à l'UGC, ou le 21 mars à Paris, UGC Ciné Cité Paris 19. Mehdi Sadoun est avec nous. On va en profiter donc pour parler foot, n'est-ce pas? Et puis réputation sur Facebook qui a trait au film aussi. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing, I'm going home. Baby, done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more again. Lonely days are gone, I'm going home. Ha, my baby done wrote me something on a piece of paper. For an airplane, no, no. I gotta get back and see my baby again. No, no, no. Lonely days are gone. I'm going home. Baby done wrote me a letter. C'est Al Green. Ah ouais, Pasteur. Vous chantez sans savoir. C'est bien, sur la scène. Les gars, eh bien, tonalité. Vous aurez reconnu des voix autour de la table. Eh bien, je vais vous donner les noms. Nous avons Hippolyte Girardot, nous avons Guillaume Meurice et nous fêtons son anniversaire. Bon anniversaire, Juliette Arnaud. Mehdi Sadoun est avec nous. Il joue dans la Dream Team qui sort en salle le 23 mars. Et tiens, un petit peu d'informations, ça vous dirait là, de vous reconnecter avec la réalité du monde. Attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Jean-Claude Van Damme défend Donald Trump. Ah, je pense qu'on peut dire « Dis-moi qui te soutient, je te dirai quel candidat tu es ». Sport, le PSG est champion de France en gagnant 9-0 contre 3. Voilà, c'est beau tout ce suspense, la glorieuse incertitude du sport. Et il y aura des brèves, j'imagine. Oui, notamment une de Belgique et une du Nord-Pas-de-Calais. Autant vous dire que c'est du gage de qualité. Et on commence par cette surprenante interview de Jean-Claude Van Damme au Grand Journal. Oui, il était l'invité, il avait mis une casquette où il y avait écrit dessus JCVD, hein, des fois qu'il oublierait. Et l'autre invité, c'était Christine Ockrent, qui semblait surprise par la pertinence politique de notre Jean-Claude. Trump, c'est un monsieur qui fait du business, il adore son pays, il adore ses gens. Il a une manière de parler qui est très droite, il dit ce qu'il pense. Il choque parfois beaucoup. Parfois, il faut quelqu'un... qui est, comme on dit... Tous les Mexicains sont des violeurs, toutes les femmes sont des connes... Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis mexicains. Il a beaucoup d'amis mexicains. Et ça, ce n'est que pour la politique internationale des États-Unis. Ah, si vous voulez dire qu'il a même un avis sur l'international. L'international des États-Unis, on écoute. Il va s'asseoir avec des gars comme Poutine. Il va enlever sa cravate. Il va boire une vodka à la russe. Il saura parler à la russe. Et après, il va aller au Middle East. Il va faire de son mieux. Le Middle East, le Moyen-Orient. Alors, je lui conseille évidemment la technique de la vodka pour mettre à l'aise les négociants palestiniens. Mais voilà, il a quand même dit une chose pertinente, Jean-Claude. Dans la politique, pour l'instant, il y a un grand grand bordel. Voilà, et donc quand c'est le bordel, Jean-Claude, il vaut mieux s'en les noyer. Donc retourne au coup de pied circulaire, ça donnera une meilleure image du Belge. Politique française. Oui, Jean Lassalle quitte le MoDem et appelle François Bayrou à le rejoindre. Ah oui, ça c'est un problème. Oui, ça. C'est un sacré problème parce que si Bayrou quitte le MoDem, mais qu'est-ce qui reste au MoDem? C'est un problème, oui. C'est le bordel, hein, Jean-Claude avait raison. C'est vrai, mais Jean-Claude avait raison. Politique toujours. Alain Minc a reçu ce week-end le prix du livre politique. Félicitations à Alain Minc, un auteur qui a les méthodes de PPDA et le flair de Paco Rabanne, c'est sans doute mérité. Disons qu'il n'a pas eu le prix du livre d'anticipation. Non, quoi, non, non. Et puis la récompense a été remise par le président de l'Assemblée, Claude Bartolone. Oui, bah celui-là même qui a décoré son propre frère, un restaurateur du 6e arrondissement de la Légion d'honneur. Bah oui, pourquoi? Bah non, rien, non, non. C'est parce que ça peut expliquer pas mal de choses. Oui, bien sûr. Bon. Région à présent. Oui, région à présent. Grâce à la réforme territoriale, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie va devenir la région Hauts-de-France. Voilà, et on souhaite bon courage à tous les futurs autistes. International, en Chine, des millions de mineurs ont entamé une grève. Ah voilà, mais ça c'est quand même un signe, quoi. Hein, quoi bah, même les Chinois manifestent contre la loi travail. Sport. Oui, le PSG est champion de France. Oui, voilà. Et Zlatan Ibrahimovic a déclaré dans la foulée, je cite, « S'il remplace la Tour Eiffel par ma statue, je resterai à Paris. » Voilà, Claude Bartolone hésite à accepter. c'est leur débrief. Angoulême, deux points. Un concours de repassage annulé au Salon de la Femme. Oui, et pourtant, sur les 15 personnes qui participaient, il y avait 7 hommes. Mais Angoulême, c'est pas leur année. Hein. Angoulême, on devait 7... c'est le Hiroshima du sexisme. C'est gênant. Belgique, à présent. Oui, il tire sur son fils de 17 ans en chassant le lapin. Oula, rassurez-moi, il est hors de danger. Oui, il est hors de danger. Alors, dans la presse, il y a écrit, ouvrez les guillemets, il a aperçu un mouvement dans un fourré à 30 mètres. Le père, en état d'ébriété, dit avoir cru à la présence d'un gros chat. Malgré l'alcool, le tir a fait mouche. Ah oui, voilà. C'est ça. Alors, revenons en France pour terminer. Pas de plus. Pas de Calais, il accuse son canari de planter du cannabis. Oui, ça se passe au tribunal d'Arras. Oui. Un individu accusé d'usage de stupéfiants a tenté de se dédouaner en mettant sur le dos de son canari la présence de plants de cannabis. Voilà, alors on ne sait pas si c'est le canari qui plante, mais on sait qu'il consomme. Retour à l'activité normale sur France Inter à 17h25 en compagnie de Mehdi Sadoun. Très bien, bonsoir. Qu'on peut voir dans le film La Dream Team de Thomas Soriot qui sort en salle le 23 mars. Mehdi Sadoun, avec vous, le premier sujet. Jusqu'à 18h, la mairie de Paris prévoit d'installer un centre d'hébergement pour sans-abri et migrants en lisière du bois de Boulogne. Mais plus de 40 000 habitants du 16e ont signé une pétition contre le projet, je cite, il s'appelle le nouveau Sangatte. Une réunion publique a lieu ce soir, des centaines de personnes sont attendues, il y a les pour, les contre, et il y a ceux qui hésitent. Ouais, c'est quand même à nous de faire un petit geste de compassion. Sans compter contre nous, ça fait quand même quoi, 6 mois qu'on n'a rien donné aux pauvres. Ouais, enfin, parle pour toi. Hein. Moi, je donne sans arrêt un cerveau croate qui est au feu rouge près de mon bureau. Hein. Mais c'est un faux. Je l'ai vu une fois, un autre feu rouge, et il boitait de l'autre jambe. Ah ouais? Enfin, en tout cas, il est très poli. Chaque fois, il secoue sa béquille pour le remercier. Un extrait de Fais pas ci, fais pas ça, la fameuse série de France 2. Donc, il s'agit de 6 bâtiments modulaires qui doivent être installés sur une allée qui sera fermée à la circulation en lisière du bois de Boulogne. C'est un projet de la mairie de Paris qui doit permettre à 200 personnes d'être logées à partir de cet été et pour 3 ans. Et il y a 40 000 personnes qui refusent d'accueillir ces familles, donc de réfugiés et de SDF. Sous prétexte officiel de la sauvegarde du bois de Boulogne. Alors, je vous donne le reste des données, hein, comme ça je vous laisse le temps de réfléchir. Le leader, attendez, parce que le leader de ce qu'on peut appeler les zadistes du 16e, hein, qui est notamment le ex-PDG de la Française des Jeux, dit, c'est un peu facile parce que les arbres, eux, ne peuvent pas se défendre. C'est incroyable. Mehdi Sadoun, je me disais, ça c'est quand même Il y a les gardes forestières brésiliennes dans le bois de Boulogne qui gèrent un peu aussi. Ça. Alors Mehdi, est-ce que vous préférez les pauvres ou les arbres? Voilà la question. Mais pourquoi ils volent pas? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Pour le footing? Ils veulent pas parce qu'ils ont peur que ça ramène de l'insécurité, etc., etc. Ouais, mais à un moment donné, il faut des solutions. Que ceux qui veulent pas trouvent des solutions à ce moment-là. Je pense que le 16e, il serait payé beaucoup plus cher pour qu'on mette les zones ailleurs. Ceux qui trouvent des solutions, voilà. Enfin, ceux qui trouvent pas de solution, qu'ils en trouvent à ce moment-là. Mm-hmm. Sinon, ça, c'est un problème qui va se répercuter autrement. Mais oui. Mais alors, aller vers l'autre, ça s'apprend très tôt. Et vous, vous avez été plongé dans ce bain d'altérité à l'école très très tôt. Non, mais c'est une fibre qu'on a ou qu'on n'a pas finalement. Il nous reste plus que l'amour aujourd'hui, j'ai envie de dire. Oh, c'est la beau. Beauté. On dirait du Florent Pagny, c'est de magnifique. L'empathie. Qu'est-ce que l'amour? J'ai envie de dire. Non, mais ça, plus on donne de soi, plus on reçoit de l'amour. Ouais. Moins, mais c'est vrai, quand vous étiez à l'école, vous étiez avec. Ah oui, oui, à l'école, ouais, en primaire. Dans un bain de migration. Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai grandi dans le 13e, donc dans ma classe, j'avais la première génération d'immigrés asiatiques, donc Laos, Vietnam, Cambodge. Donc sur 30 élèves, il y en avait 25. Et puis l'institutrice, voilà, essayait de se faire comprendre. Dès lors, un talent d'imitation de l'accent. Non, mais alors attends. Vous rigolez, mais justement. Non, mais le truc, c'est que j'ai commencé à expliquer aux. L'institutrice n'arrivait pas à se faire comprendre par les élèves asiatiques parce que ça faisait 6 mois qu'ils étaient en France ou un an. Du coup, moi, je m'étais dit qu'il fallait peut-être prendre l'accent asiatique en français pour qu'ils puissent comprendre. Alors, le théorème de Pythagore. Et du coup, en asiatique. Ça fonctionnait, quoi. Parce qu'elle disait à un moment donné, bon, expliquez aux petits camarades et tout, parce que moi, ils ne comprennent pas. Je me souviens très bien de cette phrase de l'institutrice. Donc, moi, quand elle disait, bon, coupez les feuilles au ciseau et vous faites des ronds. Quand on ne comprend pas, moi je lui disais, prends une feuille, t'étends un ciseau et après c'est faire comme tu rends un ciseau prof. Quoi. Puis, ah, d'accord, et puis voilà. Et ça marchait. Ça marchait. Si vous allez aux États-Unis et que vous parlez anglais, vous avez appris 15 ans l'anglais et qu'il y en a un qui arrive qui fait rrrrrrr, vous ne comprenez rien, vous dites où sont passés mes cours d'anglais. Et qu'il y a un mec américain qui arrive qui dit yes, because if you want to turn, là tout de suite vous comprenez. Et je sais pas, j'avais cette réflexion déjà à l'époque, je me suis dit putain, c'était incroyable. Je me suis surpris. Un génie précoce. Non, mais bon. Non, c'est très bien. Ouais. Non, parce que ce qui est amusant, c'est que la frontière entre se moquer et aider, là, est finalement ténue, parce qu'on pourrait croire que vous vous moquez, alors que vous leur êtes d'une aide assez décisive à cette époque, en imitant l'accent et en permettant une meilleure compréhension. Oui, parce que Michel Leib avait été mal compris. Sinon, les découpez pas, ces ronds. Il fallait y aller. Puis après, il y avait les Antillais de première génération. Donc, alors, ça n'a rien à voir, parce qu'ils parlaient français, mais je prenais l'accent antillais aussi, par défaut. Après, tous les accents qui m'entouraient, j'étais dans l'empathie à fond. Et donc, quand on a grandi dans ce bain-là, le 16e arrondissement de Paris, la lisière du Bois de Boulogne, qui refuse de faire son jogging avec des familles de réfugiés, ça, j'imagine que le. Eh ben, on va les déloger pour que les SDF viennent chez eux et qu'ils aillent dans ces camps de réfugiés. Non, très non, bonne mais bon. Empathie, un peu d'empathie. Qu'ils échangent leur vie. Voilà. Ben, ouais. Mehdi Sadoun est donc avec nous jusqu'à 18h. Merci infiniment. Et tiens, si on laissait le micro à Hippolyte Girardot. Ah ouais, attention, vous savez, il a des talents cachés. Bah non, mais en fait, je voulais vous dire que c'était foutu. Voilà, c'est complètement foutu. Ah voilà. Bon, ouais, il faut le savoir, hein, parce que même s'il a sauvé l'honneur, le Coréen champion du monde du jeu de Go a été battu par AlphaGo. Voilà. AlphaGo, l'ordinateur a gagné, donc c'est mort. Quand je pense qu'avant de commencer, en plus, il a été incliné devant la machine comme si c'était une personne, moi, c'est comme saluer à Hitler avant qu'il te fasse disparaître, quoi. Enfin bon, je vois bien à nos mines que personne ne tremble devant cette nouvelle, parce que nous sommes persuadés qu'il suffit de changer la place des transatlantiques, des transats sur le pont du Titanic pour éviter le naufrage. Calme-toi, Hippolyte, ok? D'accord. Eh bien, en fait, ou bien de changer d'application, parce que c'est vrai, les applications font tout à notre place. Et jusqu'où ça va-t-il aller? Eh bien, jusqu'au bout, comme me disait ma copine Jennifer quand je lui posais la même question, concernant ce merveilleux serpent tatoué qui descendait de son épaule jusqu'à disparaître sous la ceinture. Eh oui, jusqu'au bout, petit vicieux. Attention, il y a du jeu. Tu savais que j'avais fait partie de l'équipe de Watson 2016, le premier candidat à l'élection présidentielle des États-Unis? Ah oui, tu faisais quoi à l'époque? Pas grand-chose, parce que c'était le début du deep learning, la victoire de AlphaGo. J'étais journaliste, je compilais les infos sur des sites et j'écrivais des articles et des discours. Oh oui, en effet, c'était très cool. Ok. Une intelligence artificielle aujourd'hui peut désormais, comme AlphaGo, apprendre en même temps qu'elle fonctionne. Un peu à la manière d'un enfant qui apprend en grandissant, mais peut-elle être imprévisible, inattendue, décevante et géniale, cette intelligence, ce que nous pensons que nous sommes, humains? Hélas, oui. Pourquoi? Parce que nous dépendons de tas de paramètres sociaux, historiques, psychologiques et physiques qui nous déterminent. Nous sommes très prévisibles et prévoir, c'est le métier d'un robot. Même et surtout dans notre intimité, Juliette. Eh oui, Parce qu'on pourrait croire que s'il y a bien quelque chose de très humain, c'est paradoxalement notre animalité, la bête qui est en nous, et même et surtout la bête à deux dos. Hein, la fornication, le mélange des sueurs et des sucs, les orgasmes inoubliables, les picotements aux mamelons si insupportables qu'on en redemande, les surprises occasionnées par des organes qui s'égarent. Calmez-le, calmez-le. Les claques bien senties sur les turgescences, etc., etc. Eh bien, pas du tout, parce que là aussi, les robots se placent. Les Japonais, qui n'ont aucun problème éthique ni moral avec le sexe et avec quoi que ce soit, rappelez-vous le Tamagotchi qui nous faisait croire qu'un morceau de plastique avait faim, froid et soif, et même pouvait s'ennuyer, sont en train de mettre au point des robots sexuels ultra performants. C'est encore très cher, mais c'est pour une clientèle vieillissante et friquée. Une clientèle qui veut pas se faire chier, en gros. Un bon petit orgasme réglable, un petit rinçage à la douche et hop, au placard, à côté de l'aspirateur, lui aussi automatique. Oui, mais avec un sticker marqué « Ne pas confondre ». Bravo, Charles. Elle a ça chez elle. Donc formidable. Je parle de l'aspirateur. J'ai l'esprit aussi tourné que vous, c'est juste ça. Je parle de l'aspirateur. Bon, alors, vous pensez que c'est pas vrai, que c'est nul. Alors, écoutez, il y a des critiques pour ça. Voilà un critique à propos d'un masturbateur dernier cri à 5 500 $. J'avoue rester un peu dubitatif quant à l'effet succion procuré par le trou situé sur l'extrémité du masturbateur. Parce que pas de problème, ça fonctionne. Mais la stimulation par l'effet massant des reliefs internes laisse place à un effet ventouse qui me laisse personnellement assez indifférent. Cela dit, chacun ses goûts. Voilà. Le mec est tellement impressionné par la technique, c'est un truc de garçon, ça. Il se rend même pas compte qu'il est en train de baiser une chaussette en silicone. Néanmoins, je dois avouer que j'ai compulsé ce Goemio de robot sexuel et que moi-même, j'ai commencé à économiser pour Noël. Mais c'est pas en travaillant 35 heures par semaine que j'allais avoir mon jouet. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette banderole portée par les jeunes manifestants. Faites l'amour et pas des heures sup. L'espoir m'est revenu d'un coup. Oui, bien sûr. Les heures sup ne me donneront que de l'argent, me laisseront si fatigué que je ne voudrais faire l'amour qu'avec un robot. Ce robot qui d'ailleurs me coûtera les yeux de la tête et m'obligera à encore travailler plus, alors que faire l'amour me rendra plus beau, plus jeune, moins malade, et me permettra de niquer la machine capitaliste insatiable. Donc, en léchant le piton de Jennifer jusqu'au bout, je lui ai dit « Ils ont raison, ces jeunes. Ils ont raison, c'est vrai. Faisons l'amour. Et comme ça, faisons la révolution. » Oui. Attention, c'est pas fini. J'aime beaucoup cette chronique que j'ai écrite à la manière d'Hippolyte. C'est totalement bordélique comme il faut. Il fallait Girardot. Bravo, monsieur. Guillaume Maris. Je voulais confirmer ce que disait Hippolyte parce que je me suis rendu hier au salon de l'érotisme. Je vous en parlerai demain et j'ai rencontré ces fameuses femmes en plastique complètement bizarres à 3000 euros. La suite demain sur France Inter à la même heure. On est en compagnie de Mehdi Sadoun. Bonsoir. À qui on va les laisser reprendre ses esprits tout de suite. I walk until drops. I walk until you grow. I feel like I'm starting down an endless road. Le monde est-il las? Le monde est-il sot? Le monde est-il pile ou face? Le monde est-il sous plaie, sous peau? Yael Naïm et Camille, I Walk Until 18h, puisque ça annule tout. Et bien sûr. Sur France Inter, vous êtes à la bonne adresse. On est en compagnie de Mehdi Sadoun. Merci à Frédéric, qui est content. Il a l'air heureux. Mehdi, on peut vous voir dans la Dream Team, avec notamment Gérard Depardieu et Chantal Lobby et Thomas VDB, d'ailleurs. Ah ouais. Et Blanche Gardin. Et un film de Thomas Soriot. Eh oui, tout à fait. Qui sera en salle le 23 mars. Et puis là, vous tournez un peu pour le présenter en Ile-de-France. Vous serez mercredi à Ivry, jeudi à Aulnay et Rosny. Ce soir à la Défense. Et ce soir à la Défense. Absolument. Oh, donc. Belle tournée, là. On a fait la Mais province. Oui, c'est tournée, tout ça, tournée magistrale. Ouais. Il est cool. Aussi en tournée dans toute la France, puisqu'il revient de Montauban. Je vous le présente. Magistrale. Ouais. Oui, alors petit coup de projecteur effectivement sur cette belle ville de Montauban et sa formidable mère Brigitte Barège, parce que Brigitte, on va pas se mentir, on l'aime bien. Ah, on l'aime beaucoup. Enfin, moi, je l'aime bien parce que j'aime bien Le Parrain, la trilogie du Parrain, le film. Et en lisant son parcours, à Brigitte, j'ai pas été déçu. Du rejet de compte de campagne, du détournement de fonds publics, du faux usage de faux, de la complicité de Russell. Et pourtant, elle a été réélue dans sa ville, dans un syndrome qu'on ne dirait pas de Stockholm, mais plutôt de Levallois-Perret. Hein, vous voyez, vous l'avez compris, hein, Brigitte, Bri-Bri, hein, pour les intimes, elle ferait passer Patrick Balkany pour Saint-François d'Assise. Alors, j'ai voulu, moi, en savoir plus. Je suis allé interroger les habitants de Montauban. Et ça n'a pas été simple du tout. On sent que le sujet est sensible dans la ville. Écoutez ce qu'en pense ce premier habitant des démêlés judiciaires de sa mère. On en entend parler, mais je suis pas au courant. Ah, mais pourquoi vous vous intéressez pas plus à ça? C'est les médias, c'est vous qui en parlez. Ah oui, mais c'est elle qui a des affaires judiciaires. Mais je vous ai répondu. D'accord, vous avez répondu que vous n'avez rien à répondre. Vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, monsieur. Mais justement, je comprends pas ce que vous n'avez pas envie de dire. Mais c'est vous qui me posez la question. Retirez votre question, voilà. Ah, je retire ma question alors. Voilà. Mais est-ce que vous, du coup, vous répondez? Non, je réponds pas. Ah bah, j'ai retiré ma question, vous pouvez répondre. Oui, mais là, vous êtes exagéré, là. Allez, au revoir. Bon, alors, je sais pas si j'exagère, mais bon, je suis obligé de retirer mes questions si je veux pas qu'ils répondent quand même. Enfin, j'allais avoir du mal, hein, j'allais avoir du mal. Mais dis ça, vous faites l'accent de Montauban, oui, très très bien aussi. Bah, ça a du mal, c'est pas la question. Ah, bah, non, la question, c'est pas avoir mal. Je vais avoir besoin de vous dans quelques minutes, on va en parler. Alors, moi, mon enquête, elle s'annonçait quand même vachement mal barrée, mais j'ai persévéré, j'ai tenté ma chance auprès d'une habitante cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Ça m'intéresse pas de toute façon, oui. Ah, mais c'est votre argent quand même. Oui, peut-être, mais bon, ben. Ça vous dérange pas qu'elle détourne votre argent? Non, ben, elle détourne pas quand même. Elle donne la rendez compte tout de même. À la justice, oui. Hein? Bon, en attendant, moi, je me enfile. On va faire des courses. Oui, alors je comprends cette dame, hein, qui se dépêche d'aller dépenser ses sous avant que Brigitte ne les détourne pour refaire sa véranda. Mais moi, ça m'arrange véranda, toujours pas. Mais la véranda, c'est pas pareil quand même. Mais j'y continue, je vais avoir besoin de vous sur le coup, soyez prêts Mehdi, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me parler. Alors petit problème, là j'avais pas de traducteur justement sous la main, alors bah, j'ai envie de vous dire démerdez-vous avec ça quoi. J'habite le quartier en bas du Lobo-Bouin et après bon, le cinéma ça m'intéresse pas parce que j'y allais à une époque et moitié film je l'endormais, je savais que... Et après, non, j'ai pas de... Et est-ce que vous suivez un peu la politique? Je vote pas pour ça, mais après que non. Chacun ses choses, c'est le droit. Bon, voilà, alors je sais pas si... Je sais pas, en tout cas... La traduction de Mehdi Sadoun. Que ça... La traduction, c'est pas la traduction de Mehdi Sadoun. C'est pas... Voilà, c'est à peu près ça. Je pense que s'il est auditionné par un flic, la mère n'a absolument aucun souci à se faire. Mais ça m'arrangeait toujours pas. Alors j'ai continué et j'ai trouvé un courageux. Avec un accent moins marqué, un habitant qui n'aime pas Brigitte Barège et qui n'a pas peur de le dire, il l'aime pas à cause de sa politique de la ville, parce qu'elle profite à qui? Ça profite plutôt aux étrangers, à ceux qui habitent hors de Montauban. Alors attendez, les étrangers sont ceux qui habitent hors de... Les étrangers hors de la ville de Montauban. Oui, d'accord, ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, parce que oui, il trouve donc que Brigitte favorise trop l'immigration qui touche, c'est vrai, de plein fouet Montauban, hein, ces flux de réfugiés qui fuient l'enfer de Moissac, de Montfermier, de Puy-Gaillard-de-Quercy. Alors certes, on peut comprendre la détresse humaine, mais comprenez aussi que Montauban ne peut pas accueillir toute la misère du Tarn-et-Garonne. Et d'ailleurs, la misère, Brigitte est résolument contre, elle a même résolu le problème. Montauban, vous n'avez personne qui traîne dans les rues. Hein, pas beaucoup de gens qui font la manche au coin des rues. Et ça c'est grâce à elle. Ah là, ça, elle a viré les gens, il y en a quelques-uns, mais il y en a vraiment très très très peu. Très peu de pauvres à Montauban. Qu'est-ce qui vous déplaisait avec les pauvres à Montauban? Ça faisait de la saleté. Oui, les pauvres, c'est sale. quand ils arrivent avec deux chiens et puis que les chiens défèquent un peu partout, c'est pas très agréable. C'est les pauvres à chiens en plus. Et oui, en plus. Et oui, c'est les pires, hein, c'est les pires. Hein. On est quand même moins emmerdé avec les pauvres à chats ou les pauvres à poissons rouges. C'est quand même moins chiant. Mais les pauvres à chiens, c'est vraiment de la saloperie. Donc bravo, hein, bravo Brigitte pour ça. Sublime Brigitte. Je dirais même magique Brigitte. Et comment Brigitte, selon cette dernière habitante? Elle est formidable. Voilà. Mais quand même là, il y a un point litigieux. Disons. Ah, il paraît que c'est un peu litigieux, alors qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas moyen de se garer. Les gens. Je croyais que vous parliez de sa mise en examen, c'est pour ça? Oh non, non, je ne parle pas de tout ça, moi. C'est bon. Bah, ça ne vous pose pas de problème quand même? Non, absolument pas. Bah, comment elle ça se fait? Elle est formidable. Bah, elle est formidable, mais elle est mise en examen quand même. Elle est formidable. Mais mise en examen. Elle est formidable. Mais. Non. Il n'y a pas de mais. Bon, voilà, ok, elle est formidable. Non, allons-y, elle est formidable, Brigitte, et puis c'est tout. Elle est formidable. Mais oui, elle est formidable. Bien sûr qu'elle est formidable, Brigitte. Elle est formidable. Attends. Non, mais après tout, moi aussi, j'ai vu Le Parrain. Je sais comment ça se termine. Je veux pas d'histoire non plus. Je me suis barré. D'ailleurs, dans le film, il est dit en Sicile, les femmes sont plus dangereuses que les coups de fusil. À Montauban, une femme est dangereuse. Et elle fait des sales coups. Et elle s'appelle Bribri. Guillaume Meurice, à Montauban, donc. Merci. Merci, Guillaume. Super, bravo. Si vous ne l'avez pas vu à Montauban ce week-end, il n'y retournera plus dans les prochaines années. La mairie qui m'invitera. Il ne faudrait jamais quitter Montauban. C'est formidable. Il s'est chauffé la voix, c'est Mehdi Sadoun qui est avec nous jusqu'à 18h. Le deuxième sujet, tiens, avant de vous recevoir pour un entretien, les recruteurs scrutent vos apparitions sur Internet. Donc chacun a intérêt à contrôler sa réputation sur la toile. La jeune génération a déjà largement intégré ce réflexe. Qu'est-ce que tu fais? Je détague les photos que les bolos ont mis sur mon wall. Et en français, ça donnerait quoi? Il y a des gens qui ont mis des photos de moi trop moches sur mon mur, donc je les enlève. Ah, donc il y a des gens qui peuvent mettre des photos de toi sur ton mur que tout le monde voit en fait. Ouais, tous mes amis le voient, j'ai 650 amis, donc c'est la honte. Et on peut mettre des vidéos aussi ou... Bah ouais, t'es notre 18e siècle ou quoi? Tu te rappelles le spectacle de fin d'année que t'avais fait en CM1? Celui où j'étais déguisée en fleurs? Ouais. Quand t'avais fait caca dans ton tutu. Papa, il venait d'acheter son caméscope. Donc si tu veux pas que tes 650 amis te voient en petite tulipe dévastée par la tourista, je te conseille d'aller chercher ton frère au judo. C'est un extrait de Parents, mode d'emploi, une capsule qu'on peut voir sur France 2 après le journal. Et ce matin, un article dans le Figaro où effectivement, il faut, paraît-il, apprendre à vivre à l'ère des réseaux sociaux, surtout quand on veut se faire recruter, faire gaffe à ce qu'on écrit et éviter de se répandre sur ses problèmes personnels, du contrôle, de la maîtrise. C'est d'ailleurs le nœud du film La Dream Team avec vous, Mehdi Sadoun et Gérard Depardieu et Chantal Lobby. Ah bon? Bah oui. Merde, c'est pas vous, ma fille. Ah oui, absolument. Il y a ce tournant du film où vous êtes ruiné presque votre carrière, ouais, avec une jambe cassée, mais aussi un bad buzz, comme on dit, un mauvais bouche à oreille. Hein, c'est la semaine de langue française. Par c'est Internet. Bien ça. Est-ce que, d'autant plus quand on est acteur, il faut avoir quand même un œil et ne pas négliger la façon dont on apparaît sur la recherche Google, sur les réseaux sociaux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais de toute façon, moi, pour personnellement, j'utilise les réseaux sociaux uniquement pour buzzer un peu, parler un peu du film, c'est tout. Oui. Mais je vais jamais dire par exemple, que je mange Twitter, le soir ou à quelle heure je vais me coucher. Ouais. Donc c'est une manière d'utiliser les réseaux, pour faire montrer l'existence du film le plus possible. Mmh. Mais au-delà de ça, non. Donc il y a une maîtrise en amont de ce que vous publiez. Quoi. C'est pas une maîtrise. On sait tous utiliser l'outil, mais après faut professionnel, à usage professionnel. Usage professionnel, c'est bien. D'un point de vue business, c'est bien, mais après. Mais on peut se faire déborder aussi. Après, faut pas se plaindre si on montre des photos de soi nu, voilà. Non, mais ceux qui se font suivre, c'est ceux qui montrent plus que leur pure promo, parce que ces médias-là appellent à ça. Donc si vous montrez de temps en temps ce que vous faites le week-end, je ne sais pas pourquoi, mais ça amène les gens à vous regarder. Donc on est obligé d'un tout petit peu jouer ce jeu-là. Ouais, quand on est un personnage public, faut faire gaffe. Voilà. Après, à l'école, c'est pareil. On est un peu public entre nous, et puis on charge des dossiers chez les uns, chez les autres. On va sur la toile. Mais je pense qu'il devrait y avoir, une vraie éducation sur la pratique des réseaux sociaux dans les écoles, dès la primaire, puisque maintenant les gamins, même à l'âge de 4 ans, ils savent utiliser les tablettes et tout ça. Un cours de Facebook, quoi. Respecter l'autre, c'est pas uniquement physique quand on le voit, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Bien surtout sûr. Que c'est beaucoup plus grave que dans une classe, parce qu'il n'y a que 30 personnes, et sur les réseaux, il y en a 1000, beaucoup plus. 1000, quoi. Juliette Arnaud est adepte des réseaux sociaux. Ouh là là, oh là là là. Bien sûr. Il faut la gérer des fois. Avec rien de gênant. On enlève des photos régulièrement. Mais à l'antenne, elle nous parle littérature, Juliette Arnaud. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Tokyo Vice, qui est écrit par Jake Adelstein et aux éditions Marchiali. Alors, mon niveau en Tokyo et en Japon, d'ailleurs, en général, je me fais penser aux acteurs américains. Vous savez, quand on leur demande à chaque tournée de promo en France, hein, les journalistes religieusement qui leur disent « Est-ce que vous êtes heureux d'être à Paris? Ça vous plaît ?» Et eux qui répondent à chaque fois, mi-courtois, mi-blasé, « Paris is so romantic, hard to vivre, ménage à trois. » J'attends d'ailleurs le type moins poli, plus fatigué ou bourré qui répondra à Paris. Franchement, ça me saoule, ça me saoule. Je vais vous dire, sur une échelle de 1 à 10 dans l'emmerdement, je suis à 44. Si, comme moi, Tokyo, le Japon en général, sorti de Shogun, série américano-japonaise du début des années 80, Richard Chamberlain, tout le monde s'en souvient, et de Lost in Translation, Sofia Coppola, 2003, vous n'y entendez pas grand-chose, ce livre est fait pour vous. Le pari de l'auteur... donc Jake Edelstein travaillait comme journaliste au Japon quand on est un petit juif du Midwest, c'est-à-dire faire des études de japonais et de journaliste suffisamment brillant pour être embauché dans le plus grand quotidien japonais, le Yomiuri Shimbun, oui je l'ai dit, jusqu'à savoir se fondre dans la nuit tokyoïte quand on n'est pas plus japonais que Yakuza pour y fouiner, là carrément ça relève de la gageure. C'est comme si moi je... Oui, je sais, Alex. C'est comme si je voulais traverser la nuit parisienne en buvant l'eau du robinet. Merci, Alex. Ma mère vous embrasse affectueusement. Alors d'abord, dans Tokyo Vice, on rit. Parce que lorsque, pour apprendre le peuple japonais, qu'est-ce qu'il fait, Jake? Il fouille dans les meilleures ventes de livres d'Amazon. Et il découvre que ce sont toujours des manuels. Et il découvre... Et pourquoi ce sont des manuels? Parce que, il dit, les Japonais estiment qu'il existe un seul art de vivre, d'aimer, de procurer un orgasme, d'enlever ses chaussures, de manier une batte de baseball, de mourir. Il y a une manière de faire, une manière parfaite pour tout. Les Japonais, c'est des gars qui veulent apprendre. En quatrième position des meilleures ventes de livres, il y a le parfait manuel du suicide. Hein, le titre est à prendre au pied de la lettre et se passe d'explication. En cinquième position, Hippo, c'est pour toi. Je l'ai commandé, ne me remercie pas. Le manuel de la fellation et du cunnilingus super orgasmique avec plus de 400 photos. Je n'invente rien, je cite. Les Japonais sont très portés sur le sexe et sont perfectionnistes. Ce livre répond donc à une véritable demande et il est disponible presque partout au Japon. Je l'ai même vu sur les étagères d'un 7-Eleven et d'une petite librairie familiale dans le centre de Tokyo. Que ce livre se vende si bien devrait vous en apprendre un peu sur l'attitude des Japonais face au sexe. Ils sont enthousiastes, ouverts, tolérants, cliniques et résolus. J'aime cette idée d'être résolu face au sexe. Ensuite, Jake Edelstein apprend, il reçoit des conseils dont je vous livre ici une petite partie parce qu'il me semble qu'elle éclaire avec pertinence le métier de journaliste. Tu apprendras à laisser de côté ce que tu aimerais être vrai et trouver la vérité. Et tu la rapporteras telle qu'elle est et non telle que tu la souhaites. Les journalistes sont les seuls dans ce pays à tenir tête aux forces dominantes. Ils sont les derniers gardiens de cette démocratie fragile que nous avons au Japon. Démocratie fragile, et on le constate lorsque Jake Edelstein s'intéresse à l'organisation la plus flippante et la plus puissante au sein des Yakuza, le Yamaguchi Gumi. Et son infâme patron, Goto, surnommé l'empereur des vautours. Le Yamaguchi Gumi, c'est quand même 40 000 membres. L'auteur découvre que Goto a trouvé le moyen de quitter le Japon pour aller aux États-Unis à Los Angeles, dans un célèbre hôpital universitaire, l'UCLA, se faire greffer un foie. Se faire greffer un foie pour un criminel qui est interdit de sortie de territoire au Japon, qui va donc passer avant des tas de gens en attente sur des listes, et eux, pénalement, super respectables. Ouh, mais comme c'est bizarre, c'est comme s'il avait reçu l'aide de gens très puissants, comme, je sais pas, le FBI. Et au moment où il se prépare à publier son papier, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit, avec un doigt en moins et plein de tatouages sur le corps, « Vous supprimez cet article ou c'est vous ?» qu'on supprime. Et peut-être bien votre famille aussi, mais on s'occupera d'abord de vous pour que vous appreniez quelque chose avant de mourir. Si vous voulez connaître la décision de Jake et ses conséquences, Tokyo Vice, édition Marchiali. Édition Marchiali. Oui, c'est une toute jeune boîte qui vient d'ouvrir. C'est son premier ouvrage chez trois jeunes Français. C'est formidable, c'est un très très bel ouvrage. Donc voilà. Double raison de vous le procurer. Merci Juliette Arnaud. Allez, Mehdi Sadoun est avec nous, on en profite pour le troisième sujet qui vous passionne, je pense, le PSG. Ça vous passionne, je le sens. Et ça a pris au film La Dream Team qui sort le 23 mars. Le PSG a remporté hier soir son quatrième titre d'affilée de champion de France et en un temps record, 30 jours. Ça tombe bien, le support. Mai, qu'on retrouve vendredi, bien sûr, en direct du Salon du Livre. C'est à pas Paris. Vrai. Venez, vous voir. Mais bien sûr. Alors voilà, donc le PSG, vous étiez devant la télé, alors vous étiez à fond. Ou peut-être quand dans le ça, stade. Hier ouais. Non, absolument non. Pas. Non, mais au même titre que j'étais pas dans les cabinets gynéco juste avant mon film quand j'étais gynécologue. J'étais pas dans le Mais vous êtes supporter du PSG. Non, je vous ai vu tweeter la victoire du PSG. Ah, dans le film. Dans le film, ouais. Non, ouais. Mais en même temps, voilà, c'est. Ça va avec les réseaux sociaux, ça va avec l'histoire du film. Ah voilà. D'accord, c'est pour ça. Sinon, vous n'êtes pas spécialement supporter du PSG. Non, pas spécialement. Ah, non. J'avais compris non. ça, moi. Non, je jouais au foot jusqu'à 15 ans, et puis c'était voilà, la condition pour pouvoir endosser le maillot, c'était que je perde des kilos et que je touche dans le ballon, pour pas être doublé, quoi. Et là, il a fallu refaire de l'exercice. Là, il a fallu perdre 11 kilos. J'ai eu un nutritionniste qui est venu chez moi, qui m'a viré tout ce qu'il y avait de bon dans les placards, et qui m'a donné des choux-fleurs, des radis à Noël. Je recommande à personne de faire des régimes si c'est pas pour être sportif au Donc niveau. Donc c'est un métier difficile, le footballeur. Ouais, c'est pas simple quand même. Hein. Je m'en suis rendu compte sur la pelouse du Parc des Princes quand je me suis retrouvé devant 30 000 personnes, puisque ça s'est passé en fait à la mi-temps d'un PSG Guingamp. Et puis c'est pas uniquement l'endurance en fait. Il y a pas qu'une endurance physique, il y a aussi l'endurance psychologique avec tous ces gens qu'il y a autour. Et on respire que du dioxyde de carbone. Hein, faut pas croire. On n'est pas en pleine nature sur une pelouse. on a plus de souffle au bout d'une minute. C'est la catastrophe. Mais donc, toute l'histoire du PSG, toute l'arrivée des Qataris, tout ça, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez un avis. Bah, bien évidemment. Vous en foutez, mais alors d'une force. Non, je m'en fous. Non, je pense que voilà, aujourd'hui, c'est vrai que Paris Saint-Germain s'est économiquement donné les moyens pour être une grosse équipe. Donc maintenant, qui gagne la Coupe d'Europe, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Oui. Est-ce que ça tue pas le suspense? Enfin, moi, je suis pas passionné de foot, mais je me dis, les passionnés, ils sont pas un peu déçus? Il y a un grand écart, c'est vrai, mais après, faudrait peut-être qu'ils injectent un peu d'argent. Peut-être à Marseille, peut-être à Nantes, peut-être à Toulouse pour pouvoir équilibrer le championnat. Est-ce que ce serait une belle image qu'un Russe rachète Guingamp, un Saoudien rachète Sochaux Moi j'aimerais bien qu'il n'y ait que des Parisiens dans l'équipe de Paris, que des Marseillais dans l'équipe de Marseille. Il y a Montauban, je crois, que des gens de Montauban. Voilà, et puis limite se limiter à un achat d'étrangers, etc. Mais si on rachète effectivement toute la planète. Il y a déjà un Russe qui a acheté Monaco. Il y a un Russe qui a acheté Monaco. Et les Chinois ont acheté Sochaux. Ah ben voilà, oui. Oui, c'est vrai, évidemment. Plus l'usine qui Donc va on avec. On y vient, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais ça reste du beau jeu. Et puis voilà, maintenant, il faut supporter Paris sur le papier parce que c'est la seule équipe qui est capable de gagner la Coupe d'Europe, c'est tout maintenant. Et votre personnage revient dans le Berry entraîner les cadets. Ouais. Vous avez travaillé avec tous ces gamins. Est-ce qu'il y a le goût de la sensation du foot qui est revenu un petit peu ou pas? Vous êtes pris au jeu finalement? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je suis d'une génération comme Juliette Arnaud où. On a le même âge. Où on était un peu multisport, donc on jouait à tout. On jouait pas plus au foot qu'au tennis, qu'au roller, qu'au skate, qu'au basket. Comment vous savez qu'elle est multisport? On s'est parlé juste avant. Donc un peu de tout. Ouais, bah, j'étais animateur de colo, donc retrouver des gamins, c'était cool. Mais c'est pas un film sur le foot. Hein. Non, c'est sur notamment les valeurs, le retour à la terre, la dichotomie entre le foot professionnel et amateur. Ouais, c'est ça, c'est la rencontre du foot professionnel et les valeurs nobles du sport amateur. Moi, je vais vous dire, ils ont tous vu le film et ils ont tous dit on a bien rigolé. C'est une belle comédie. C'est tout public, il faut le dire. Alex Vizorek, pour Mehdi Sadoun, qu'avons-nous? Voilà, nous avons évidemment le sketch de fin d'émission. Vous allez être Jean-Claude Van Damme. Parce que, Je peux le faire avec l'accent antillais ou pas? C'est vous qui voyez. Suite évidemment à son grand passage dans le Grand Journal, d'autres émissions ont souhaité l'inviter. On y va tout de suite, les deux présentateurs sont dans les starting blocks, c'est parti. Je croise aux forces de l'esprit. Histoire abracadabrantesque. C'est travailler plus, c'est gagner davantage. Le changement, c'est une force. Tout de suite dans notre émission des paroles et des cracks, nous accueillons notre invité. Celui que les Américains appellent The Muscles of Brussels, c'est aussi un brain. Bonsoir Jean-Claude Van Damme. Bonsoir. Faut prendre le texte. Alors, oui, je prends le texte. Alors, parce que c'est jaune, là. C'est jaune. Ah oui, excuse, j'avais pas lu ce que t'avais. J'étais sur ma bouteille. Ok, Matt Jocon, point, c'est le soir. Alors, tu dis bonsoir. C'est ça, voilà. Ce serait le jour, tu dirais bonjour, le conformisme à l'état pur. Si vous voulez, voilà. Monsieur Van Damme, quel regard portez-vous sur le paysage politique français? Tu sais, Miss, quand tu rentres dans un zoo, souvent tu achètes des cacahuètes, ok? Eh bien, tous les animaux n'aiment pas les cacahuètes. Tu comprends? Pas bien, non. Si, je crois que Monsieur Van Damme veut parler de la primaire à droite. Ah. Moi, primaire. Non, on voudrait savoir quel serait votre favori à droite. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Hervé Mariton. C'est un winner, le gars. Hervé Mariton? Attendez, un winner. On parle du même Mariton, là? Comment c'est? L'avenir, c'est Hervé Mariton. Hervé, il est aware. Il a été élevé dans la religion catholique. Et vous regardez beaucoup la télé, le frère. Vous voulez sûrement dire la religion catholique. Attends, c'est quoi ton problème? Jésus ou Michel Guiquier? C'est la même chose, non? Non, mais alors, attendez, parce que sinon Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous en pensez? Maire, c'est déjà bien. Mais président, c'est un autre job, Bruno. Oui, I know, tout le monde know. Et Sarkozy? Ah, Sarkozy, je pense que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez. C'est quoi cette phrase hyper longue? C'est descendu Sarkozy. Ah, Sarkozy, je pense que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Non, bien sûr. Oui, alors passons à l'international. On pourrait avoir votre avis sur la Corée du Nord. Mais of course, il y a des Coréens du Nord, mais il faut les diviser entre Coréens du Pas-de-Calais et Coréens de Picardie. Et c'est la même région, tu vois. Non, écoutez, c'est pas clair, là, c'est pas clair. Oh, mais tu comprends rien, on dirait Christine Ocrinte. Oh, papa, n'insultez pas ma collègue, hein, les journalistes. Comment tu me parles, toi? T'es bâti comme Stromae et tu me cherches? Oh putain, attends, je vais me la faire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La fin, c'est jamais la fin, parce que tu ne sais pas où est le début. Et la fin, si tu connais pas le début, c'est pas la fin, d'accord? C'est Mehdi Sadoun dans le rôle de Jean-Claude Van Damme, et que vous pouvez retrouver dans la Dream Team de Thomas Sorio avec Gérard Depardieu et Chantal Lobby. C'est en salle le 23 mars. Merci beaucoup, Mehdi Sadoun, c'était un plaisir. Super. Voici le mot de la fin qu'on laisse aux habitants du 16e arrondissement de Paris qui s'exprimeront ce soir pour ou contre le centre pour sans-abri dans leur quartier. En venant, on était encore emmerdés par des SDF. C'est toujours les mêmes. Alors, je ne sais pas s'ils sont sans domicile fixe, mais en tout cas, ils sont toujours au même feu rouge.